Vinícius. RTP Antena 1. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. La que está para la détends-toi. C'est pourquoi t'as fait combat à l'air. C'est ça qu'on veut. Arc-en-Ciel 96.2, votre émission Groove Tropical. Ravi de vous retrouver en ce jeudi soir, 18h, 20h, le meilleur du zouk et du compas. C'est Chantal qui vous accompagne. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. La musique ce soir avec beaucoup de compas, beaucoup de zouk aussi. Du zouk d'antan, eh bien oui, on en aura un petit peu de zouk rétro parce que vous m'en réclamez. Sur le 96.2, justement, une très très belle nouveauté. Le groupe Impossible avec Felicia Ross et ses Overdose. 18h, 20h, votre émission Groove Tropical. pour le gloss, dis pas pour la beauté. Ton caractère, sinon c'est non, non, non. Je peux te toucher, j'ai mes lèvres, gang, gang, gang. Je sais pas si je te donnerai mon nom, non, non. Mais je sais que tu me diras jamais non. Elle veut un homme qui tire les rênes. Je suis fait pour ça. Il te faut des billets, je peux les mettre. Je suis fait pour ça. Elle sait très bien dans sa tête. Je suis fait pour ça. Je suis fait pour ça. Je suis fait pour toi. Elle veut un homme qui tire les rênes. Je suis fait pour ça. Il te faut des billets, je peux les mettre. Je suis fait pour ça. Elle sait très bien dans sa tête. Je suis fait pour ça. Je suis fait pour ça. Je suis fait pour toi. Te faire chanter la chanson, oublie ton passé, passons. Je fais monter la passion. Toute position dans le passion. Oh là là, oh là là. Entre nous, bébé, y'a pas de ralenti. Demande ce que tu veux, je te donnerai tout. Toutes les émotions, je peux te faire ressentir. Un homme qui tient les rênes. J'ai fait pour ça. Faut des billets, je peux les mettre. J'ai fait pour ça. Elle sait très bien que dans sa tête. J'ai fait pour ça. J'ai fait pour ça. J'ai fait pour toi. Elle veut un homme qui tient les rênes. J'ai fait pour ça. Faut des billets, je peux les mettre. J'ai fait pour ça. Elle sait très bien que dans sa tête. J'ai fait pour ça. J'ai fait pour ça. J'ai fait pour toi. Mais c'est là notre procès. À mon gars, faut pas faire les grossiers. 50-50 si tu veux négocier. Ja, ja, ja, ja. Sans le mercato, on l'appelle Léo Messi. Elle s'est accueillie, ça on a pressé. Tu lui fais des plats, mais c'est notre dessert. Ja, ja, ja, ja. Poutou, elle aime quand ça pique. Skinny à Poutou, là je suis chaud de ma clique. Ja, Poutou, elle aime quand ça pique. Fais-moi bisous, gros Poutou. On est ses ex, c'est son bodyguard. D-C-O-T. Elle a un OnlyFans. D-C-O-T. Elle veut plus dans celui-là. D-C-O-T. Pas de story là. D-C-O-T. Ah, elle connaît mon bodyguard. D-C-O-T. Elle dit que c'est du Canada. D-C-O-T. Avec elle faut payer la note. D-C-O-T. Et c'est ok, ok. Lui donne pas ton cœur, elle va te choquer. Lui parle pas d'amour, elle va te bloquer. Elle avait les real bad man qui veut la sauter. C'est pas ok, ok. Lui donne pas ton cœur, elle va te choquer. Lui parle pas d'amour, elle va te bloquer. Elle avait les real bad man qui veut la coquer. Chapoutou, elle aime quand ça pique. Skinny à Poutou, la chouchou de ma clique. Chapoutou, elle aime quand ça pique. Fais-moi bisous, gros Poutou. Et ses ex, c'est son body count. D-C-O-T. Elle a OnlyFans. D-C-O-T. sais pas si c'est ok pour vous, en tout cas c'est ok pour nous. C'est carrément le titre. Je sais pas pourquoi je cherche avec Sensei. C'est une nouveauté sur le 96.2 des nouveautés. On va en avoir quelques-unes ce soir. Des nouveautés compas, des vieux trucs. Hein, vous inquiétez pas, j'en ai prévu. Hein, j'en ai sorti de ma valise. On va continuer comme ça avec une autre nouveauté. Le titre s'appelle Sirop au miel. Le titre, il est interprété par Alex et Lawrence. Et puis tout de suite après, une grande séance compas. Ah, ça, c'est une petite surprise. Petite confidence, ça m'a embarqué de ma voiture. 18h-20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ou 20h dans votre émission Groove Tropical. Le meilleur du compas, c'était Euroclass. Allez, on va commencer, on va continuer plutôt comme ça, avec un petit peu de douceur. Allez, tiens, c'est une petite nouveauté que j'adore. Allez, je vous embarque avec moi. Je dois te filer. Avec Fanny Luba. Je vais pas être avec toi toute la nuit. J'ai attendu une femme comme toi toute ma vie. Nako salagno so bonayo, ma chérie. Aucune empêche atteint ton niveau, ma chérie. Après ce faisant doucement. Maman, où étais-tu pendant tout ce temps? Je saurai nous protéger car le monde est matata. Yes. On fera le tour du monde en passant par Manhattan. Ouais. Et ça m'a monté ma toile la queen du coup. bongo, bolingo yo eko zala ya solo, ngaina yo après minuit eko zala sono. Eza kaka yo mbo, esa na mote matwa la queen du kundo, bolingo yo eko zala ya solo, ngaina yo après minuit eko zala sono. Laisse-moi t'emmener faire le tour du monde. Juste une fois. Tika mana fi ma chérie. Juste une fois. Maman chauffer ma boutoie les lots. Juste une fois. Ma chérie danse avec moi. Juste une fois. Donne-moi un peu. Pas beaucoup ma chérie. Donne-moi un peu. Mala yona moli. Donne-moi un peu. Maman mon cœur chérie. Donne-moi un peu. Alingi au quiz du Congo. Moi un peu de fer dans les belles plages d'Haïti. Donne-moi un bout de ton cœur et tout va changer. Des yeux, y'a la mer bleue dans laquelle je veux plonger. Atika bongo, bongo, bago kokate. Mélange tout dans l'assiette, ritjonjon et demi-kate. Baby, je veux te voir dans le noir. Baby, je ne donne pas que ça. Des akakayo, mon coco. Le sang à beauté, ma toile, la queen du Congo. Sala ya solo, kakayo après minuit et qu'on sala moto. Eza kakayo moko, eza ma beauté ma toi la queen du kumama Afrika. Boyo eko sala ya solo, kakayo après minuit et qu'on sala solo. Laisse-moi t'emmener faire le tour du monde, juste une fois. Tika mana simba chérie, juste une fois. Maman chauffer ma boutoie les lots, juste une fois. Chérie danse avec moi, juste une fois. Donne-moi un peu. Pas beaucoup ma chérie. Donne-moi un peu. Mana yo na moli. Donne-moi un peu. Maman ke chérie. Donne-moi un peu. Le tour du monde, juste une fois. Si t'en as la cime, ma chérie, juste une fois. Maman chauffer ma boutoie, les lots, juste une fois. Allez, chérie, danse avec moi, juste une fois. Donne-moi un peu. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça, la musique. Comme ça, la musique. Sur Arc-en-Ciel. Give la vie pour nous même femmes noires qui sont pas de faire, qui sont à faire dans la soin. C'était comme faire mon rêve soudé qui te facilite vie à deux. Ça te fait changer pour nous son bon passé. Est-ce qu'on t'a joué une qui nous si yo pa kleve ane la rel sentiment de chavire mante kontre yon kite si kondye jaye mwe teye do la konsye nou rie pi reve me si ou pa ka veye si klan la kachaye ou ler kite glou poule. Superbe duo, deux superbes divas, Mademoiselle Rochelle et Madame Jocelyne Béroir, pour ce superbe titre dialogue. Sur Arc-en-Ciel 96.2, restez bien calé sur la bonne fréquence. On va continuer comme ça avec. Tiens, je vous donne un petit peu de soleil, on n'en a pas assez dehors, je crois. Petit brin de soleil avec la fine équipe. 18h-20h, votre émission Groove Tropical. C'est Chantal qui vous accompagne. Très très bonne soirée. Yo j'ai dit moi ça, ça, gade la fiancie. Ou mi an enfans pou lide. La vie fait belle si nous continuons à aller devant. Toujours, toujours, arrêtez tout ça. Il y a un petit point, soleil, petit point, lumière. Il y a un petit point, lumière. Oh, et fait bon passer en l'air. Arrêtez tout ça. Un nouveau groupe qui t'a pral monté, tout doucement sans lui pas faire lui. Yon fanatik de la yo te rassemble Balen nan men ya priye pou nou Gen sak te fe pou n pat reyusi Aswayan ap di yo Menou, menou, menou, menou, menou Le jazz la, tout clairé Le chelbe, senti bon Normal, normal, normal, fanatik yon ale And when I say ah, you say oh Ah, oh, ah oh. And when I say oh Kèmè jè m kalè sou de zoye m pa ka dormi. Dejè nè di mè soufè devan mwen pè manje pou pa vomi. Mwen pa fè somni non non, mwen pa gen apeti non non. Mwen pa fè somni non non, mwen pa gen apeti non non. De bouteille alcool gè tan pase, mwen chigaret la fè fini. Même sous volant, yon pied sous gaz, l'autre la souffre, m'pas qu'à conti. Et moi, pas alcoolique, non, non. M'a calé les polices, non, non. Et moi, pas alcoolique, non, non. M'a calé les polices, non, non. Baby, I gave you all my love. So confusing. Remember when you loved me, was a regular. Everything we used to have, now the silly stuff. Say you had enough, I just give you now. But after everything, still baby, I gave you all my love, all my love, all my love. Tell me why you hurt me like this. Tell me why you why you do me dirty like this. Say why you baby, I gave you all my love, all my love, all my love. Tell me why you hurt me like this. dans votre émission Groove Tropical. Ça fait plaisir, hein, ce retour en arrière comme ça avec Fanny G. Et c'est Jolène. 18h-20h, votre émission Groove Tropical. On va continuer avec du très bon compas. Ça, c'est aussi, c'est pas tout jeune. Mais c'est pas grave. Parce qu'on aime bien. Oh, c'est pas jeune. Là, je parle de musique, hein, bien sûr. C'est Ivaï, c'est sur le 96 de votre émission Groove Tropical, et c'est Chantal qui vous accompagne. On est au faire mal qui te brange, pour mettre une pavine et pour manger. Qui t'aime mal et à faire, qui t'aime diriger, moi qu'à faire bonheur. Le petit au terrain, mais on sait pas de jambes jouer. Ouais, c'est en bout de l'auto, faut qu'on jambes jouer. Oh oh, wow. Faites moi dans le prochain vol, l'avant, on livre le parti. Pas tout va même chérie, on va perdre tout mon petit girl. Et n'a qu'à plein for you, tu tell me what to do. Chérie, non mais vous. Si vous comptez qui chante, vous utilisez talent et chante. Ces moments-là, je les connais, j'ai dû les endurer déjà. Eucalypse d'Andalousie que tu me fais danser à Campa. Je ne m'attendais pas à ma défaite. C'était possible pour moi de me connaître. Arrête de me susurrer à l'oreille des mots doux, des mots émerveillés. C'est dans cette vie éphémère, j'aimerais la paix pour vivre comme moi. Donner tout mon ma vie par envie, c'est pas la joie. Comme le gitan sans direction, tu fais ma boussole tourner vers toi. Je tourne tout en rond et je ne peux pas arrêter de compter. met j'ai moins. C'est comme ça qui fait là. S'il laissait tes raisons, la révélation, à qui bat la vie l'espoir. La vie vibre. Marcellus, oh. Mais ça m'a Nah. Allez, jusqu'au bout. Yon sal mette dres mi seyan, sa ki vye vin pou sove sou. Pou mèm kretien ki sou la fè, don a mi jan. Allez, ne cherchez pas, ça date de, il y a un petit peu plus de 10 ans, c'est Design avec Cobaye. 18h, 20h, votre émission Groove Tropical. Oh oui, j'ai pris tout la chou. Oh non, j'ai plein une fois par an. Groove Tropical, c'est le meilleur du zouk et du cantin tous les jeudis, 18h, 20h. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Patrick, moi, c'est un jeu, c'est où t'as pris mon bye-bye. Se ou ta di mwen bay bak Nan diske mwen Na kanive pou bay bak Ti doudou Na kanive pou bay bak Si mwen pou ki ou leve dwi Yo l'amou ki pran telman jan pou bati Apre fin bati kem apre pou vintim Gaspye tem ni la jan pou gore ki ensemble, on a un des passages. Il reste gravé dans mon esprit. Il m'a écrit à la folie. Oui, ou fait plus partie de mon vie. Ou la laisse tracer des lébiles. Et c'est mon cœur qui les cadenasse. Un cœur qu'on l'avait déjà fracassé. Sors d'ici ton corps que m'y veut fracasser. De même, j'étais comme une lèvre, m'y fracassé. Et c'est mon cœur qui les cadenasse. Un cœur qu'on l'avait déjà fracassé. Sors d'ici ton corps que m'y veut fracasser. De même, j'étais comme une lèvre, m'y fracassé. Essentiel 96.2 dans votre émission Groove Tropical. Eh bien, c'était Yann Martelly, son tout dernier titre, son tout dernier single. Et c'était Antidote sur le 96.2. Tiens, petit live, rien que pour vous, pour tous les fanatiques. Alors, accrochez-vous. Alors, c'est pas très très bon au niveau du son, mais alors il y a une sacrée ambiance, je peux vous le dire. C'est du compas à la mode! C'est nulle part ailleurs, c'est que sur Groove Tropical. Le temps passé, l'idée à la main, à la main. Il se dit qu'il y en a qui sont en train de dîner ce soir et que toutes les assiettes ont volé. En tout cas, c'est l'ambiance du jeudi soir, 18h-20h, votre émission Groupe Tropical. Moi, je crois que vous en voulez encore un petit peu. Moi, j'ai un truc là que j'ai calé. Ouais, grand retour en arrière avec. Je suis un combo, maman. h 20h, votre émission Groove Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Ah, mais tout ça sur la terre, c'est un pic considéré, maman. Autant se porter pour moi, le moins des dans un rayon. Maman, chanson. Quand l'amour s'en va, tout est mort en toi.

Arc-en-Ciel 96.2, eh bien, le tube du moment, hein, avec Anthony Drew, c'est le titre Hello sur le 96.2. Eh bien, il est presque 20h, c'est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, même soleil. Toujours la même musique. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye! Allez, ah, une petite dernière avec DJ Kawes et Chouchou avec Aya Nakamura. Je me la raconte, ouais, qu'est-ce que je me la raconte. Ouais, j'étais défaut, mais y'a beaucoup de qualité. Lors des premiers dates, on va éviter les pailles. T'es trop un charreau, donc on va décaler les pailles. Tu commences, tu veux savoir mon body count. Ça change quoi, tu veux goûter body count. Body count. Fais pas le fou, c'est moi ton médicament. Quand je demande, il le fait avec passion. Il veut me prendre à 4-4, me traiter comme ça. Ce soir c'est chaud, il envoie des messages. C'est lui le pacha, il veut venir me voir. Ce soir c'est chaud, c'est lui le pacha. Mais mon négro, je suis icy. Trop icy, ce que je reçois c'est pas chier. Mon négro est fâché. Fâché, il faut pas te fâcher. Un bandit mon chouchou, mais tu restes mon chouchou. Pas trop d'accord, toi c'est la dictature et tu fais pas trop semblant. Des comportements de Poutine qui me repoussent. J'ai déjà dit j'aime pas ça, arrête-moi ça. Adoucis-moi ça, je mérite au moins ça. Toute ta vie je suis la star. J'ai un goût de vanille, c'est comme automatique. Je le rends fébrile sur son gâteau, je suis la cerise. Aimé à mort, dingue, aimé à mort. C'est le secret dans ma life. Et oui, si t'es tombé sur ma route, c'est pas par hasard. Je le vois, je le ressens. Mais mon négro, je suis icy. Trop icy. Ce que je reçois, c'est fâché. Mon négro est fâché. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Já agendou, entretanto, uma nova reunião para o dia 7 de maio. Para já não vai faltar combustível para os aviões em Portugal. É essa garantia deixada esta tarde pela Galp. E nesta altura, no que diz respeito a temperaturas, estão 14 graus em Ponta Delgada, 17 no Porto, 18 em Coimbra, 19 em Faro e em Lisboa e 21 no Funchal. As notícias às 7, a edição é de Nuno Rodrigues. Com a nova reunião da concertação social, marcada já para o próximo dia 7 de maio, o Primeiro-Ministro pediu esta tarde a disponibilidade para cedências à UGT na negociação das alterações às leis do trabalho. Luís Montenegro lembra que só a UGT ainda não cedeu neste processo. A proposta que está hoje já em apreciação já não é a proposta inicial. Houve uma evolução do governo e houve a aceitação de todos os parceiros sociais, com exceção da UGT. Aquilo que é necessário agora, para poder haver um acordo, é que haja também uma cedência por parte da UGT, porque em bom rigor, sobre aquilo que não houve acordo, o único parceiro que ainda não cedeu foi a UGT. Aquilo que me parece, portanto, é que nós devemos aproveitar as próximas duas semanas para, de forma tranquila e